péter les plombs, sans abonner ni baisser les bras. Plus de nouvelles batteries, faible à l'édiction. Dorénavant, je vais de l'avant, c'est ma direction. Ma direction. Je fuis les sonneries, les bruits de chaise. Moi, je cherchais d'autres styles de richesse. Du journal d'Anne France à celui du Tchèque. J'ai jamais kiffé de lire depuis que j'ai l'âge de 12 piges. Malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis éparpillée. Claqué plus d'une fois, dos au remède. Trop fier pour demander de l'aide au RM. L'escrave en guise de mythe, l'estrade en guise de but. Prenez pas les fils de ch. Je vais où je vais sans savoir. putain, je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est ma direction, j'ai pété les plombs, sans abandonner ni baisser les bras. Plus de nouvelles, batterie faible, malédiction. Dorénavant, je vais de l'avant, c'est ma direction. C'est ma direction. Excuse-moi. T'es foutu si tu échoues dans ta situation. Foutu si tu échoues dans ta situation. Foutu si tu échoues dans ta situation. Salut Bilan. Hello Doc. Ouais, le bruit est grave. Mon fils. Oh, Didi, mon chéri.